avec Calvin Harris dans le PIC Energy. On se dit oui, comme tous les jours, le meilleur de Mickaël, le Rico Show, le meilleur de Koé, le meilleur de Manu, dont 6-9 sur Energy. Bon ma veille. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Pleine forme, dis donc. C'est lundi, on va écouter Aya Nakamura dans la playlist Energy. Il y aura aussi Bazzi avec Camila Cabello, Maître Gims, Maroon 5. Et on sait le meilleur de Mickaël sur Energy, c'est à 23h tous les soirs en direct sur Energy. Et là, on a parlé taille. De quoi? Écoutez. Les appels bienveillants. Et hier, nous parlions des petits sexes, comme on peut dire, avec une auditrice qui nous disait que son ex avait un sexe de la taille d'un pouce. Eh bien, on a vérifié les plus petits sexes du monde répertoriés. Mexique. Pas du tout. C'est un Américain, 7,5 cm en érection. Ouais, ouais. Ah bah, c'est répertorié. Après, il y a peut-être moi, plus petit, léger. Mais... Ah oui, après, c'est léger. Mais bon, après, comme je dis, il y a peut-être plus petit, mais... Mais ils ne se sont pas fait connaître. Ils ne se sont pas fait... Étonnant, d'ailleurs. Hein. C'est plutôt étonnant. Donc, du coup... On va appeler, tu vas rassurer tes amis hein, éventuellement. Hein, quand on dit les amis de Tof, c'est évidemment ceux qui les numéros de téléphone que vous nous envoyez sur toph@energie.com. On y va ? Eh ben oui, allons-y. C'est parti. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir. Est-ce que vous avez une petite bite, monsieur? Oui, tout à fait, monsieur. Ah, mais petite comment? Petite. Il y a un monsieur qui me demande si j'ai une petite bite, ce téléphone. Petite. Comme un pédoncule. Un pédoncule. Ah oui, ah oui, c'est vraiment très petit. Ou la piscine. Ah oui, oui, c'est vraiment très très très petit, ça, monsieur. Mais grave, mais grave. Ah oui. Mais bon. Après, hein, on se bat avec les armes qu'on a, hein, mon cher monsieur. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, bon courage, monsieur, hein, parce que ça doit être dur quand même. Hein. Ouais, non, c'est pas super dur. Tu regardes, j'en rigole avec toi et je te parle, donc c'est pas si dur que ça, tu vois. On peut tout surmonter dans la vie. Bah écoutez. Allez, il faut être fort. Il faut être fort. Eh bah écoutez, monsieur, hein, soyez fort, parce ouais, que je voulais vous rassurer qu'il y avait plus petit que vous, mais vous êtes maintenant le plus petit que je connais. Et bah voilà, et surtout, léchez mes couilles pleines de sueur. Bonsoir, oh, monsieur. Eh bah bonsoir, monsieur, oh, et bonne soirée. Hein, bisous, bisous. Dégueulasse. Enfin bon, à cette heure-ci. Ah bah, de toute façon, en même temps, il avait que ça à lécher, hein, parce que le reste, ouais. On va difficilement trouver. Oui, une grosse fierté, sans nom. Moi, je suis très. Enfin, bref. Pendant Camille est en train de bouffer son poulet, là. Bah oui, non. Mais c'est pour ça, c'est pour ça que ouais, ça l'a. Bon, on rappelle. Enfin, on rappelle pas, mais on appelle un autre. Mauvaise chance. Oh, merci, Mina. Oui, allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir. Est-ce que vous avez un petit sexe, monsieur? Quoi? Est-ce que vous avez un petit sexe, monsieur? Ouais, c'est des bons, tu le veux dans le cul? Je comprends pas, monsieur, c'est quoi le rapport? Allô? On rappelle. Oui, allô? Tu as fini de faire chier les gens pour ça? Bah, et je vous fais pas chier, monsieur, je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. Ouais, c'est ça, bah garde tes conneries pour toi, c'est pas à faire. Oh non, mais arrêtez de dire des choses comme ça, c'est pas gentil. Et ben voilà, encore une fois, raccroché, parfait, très bien. On rappelle encore une fois, même si je pense que c'est peine perdue. Et ce sera probablement peine perdue. Non. Et ben voilà, c'est ce que j'avais dit, tant pis, c'est pas grave. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Il m'a dit t'es où, je te rejoins, t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a fâché. Je suis pas tout plan bête, t'as ma tête la fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Énergie. Bon réveil tout le monde. Bon, lundi plus vieux, hein. Je préfère le dire à tout le monde tout de suite. Ce sera assez maussade, sauf dans le nord-est. Voilà, ça c'est pour la météo aujourd'hui. On sert Maître Gims dans la playlist Énergie. Basie aussi dans moins de 3 minutes. Et avant de le retrouver à 20h ce soir pour une nouvelle semaine sur Énergie, c'est le meilleur du Rico Show. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. On parle des fois, les amis, où on sait, mais alors de façon certaine, qu'on n'a pas choisi sa famille. Et on a Virgile qui a fait le 0870-42-48. Et toi, mon Virgile, tu me dis, bah moi, quand je vois ma cousine trop fraîche, je peux vous dire que si j'avais à choisir, je ne l'aurais pas mis dans ma famille pour sortir avec. On est d'accord. C'est ça, mon avec et du coup. Pareil. Ah, oh, oh, il en rajoute. Là, là. Et elle, tu sens qu'elle est réceptive puisque t'as commencé à discuter un peu avec. Est-ce que c'est la cousine de sang ou la cousine éloignée? On est comment dans la cousine? De sang. Là, on c'est fait quoi? Pas touche. Là, c'est rideau. Les ponts, mais rideau et ne la revois plus parce qu'elle t'attire, ne la revois plus, tu coupes les ponts. D'accord. Et elle, tu la sens un petit peu curieuse aussi, Virgile? Bah ouais, tout à fait, parce qu'on s'envoie beaucoup de messages, on s'appelle aussi, et c'est vrai que bah, de temps en temps on commence à avoir des conversations qui tirent un peu, bah, qui tirent un peu sur le cul, hein, tout simplement. Et bah je sens que la façon dont elle en parle, je me dis merde. Et le truc c'est qu'elle vient en vacances chez moi dans deux semaines. Oh là, c'est dégueulasse quoi. C'est, on y... Alors ce qu'il faudrait faire, il faudrait qu'elle te traumatise. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle ait une diarrhée, quelque chose devant toi, un truc qui te calme, quoi. Je sais pas le dégoûter. Le truc, c'est que si j'aime ça, comment on fait? Oh non. Il est fou, ce mec. Sylvain, il y a eu un recul en arrière. Alors, ça lui arrive une fois dans l'année. C'est dire le choc que tu lui as provoqué, parce que même Sylvain a été choqué, quoi. Pourtant, Sylvain, dans la cochonnerie, il est high level. Ouais, mais là, il a sorti les gros yeux. J'ai cru que l'œil allait tomber, quoi. J'ai cru, n'est-ce pas ça. Non, pour bien te dégoûter, on va t'envoyer une photo de la famille de Sylvain et toute sa descendance. Parce que ça, c'est beaucoup fait. Ça, c'est beaucoup fait chez lui. Mais les cousins, cousines. Franchement, je trouve pas ça. Ça. Bah ouais. Je sais pas ce que t'en penses, j'aime. Ouais, c'est un peu dur. Mais ça va, vous lui dites non, tout le temps. Non, je sais pas ce que t'en penses, toi, Virgile. Moi, j'ai trouvé ça très dur. On attaque pas les ancêtres. Bon Virgile, franchement, ouais. Sarah, elle est vachement dure là. Ce qu'elle dit sur Sylvain, sa descendance et tout, c'est. Non, mais ça, c'est. Ah, le pauvre, il en prend pour son grade hein, tous les soirs. Hein. Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est pas beau. Mais arrête de faire le mec outré. Non, mais je sais pas vous, dites-moi, je t'agricole quelque chose sur Énergie sur Twitter. Je trouve que c'est déplacé au possible. Tu me charries. Non, franchement, j'y aime. Tu salis le nom de Potard, tu parles mal de ses ancêtres et tout, son arbre généalogique, quoi. Il est sérieux. Bah, Sylvain, demande des explications. Je demande des excuses déjà. Bah quoi? Mais tu sais très bien que tes parents, que tout ça, bon. C'était du cousinage. En même temps. T'as tricoté les yeux de la colline ou quoi ici? En même temps, une tripotée de potards les uns à côté des autres. Ça a jamais donné de nirvana, quoi. Non, en même temps, bon. Oh, c'est pas des gravures, hein. Allez, on t'en veut pas, ça. Merci. Virgile, doucement sur la cousine. Merci d'être patient. On te fait un gros bisou. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Actions every anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that Gucci look on you. Beautiful night right now, no, no.

Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que toi bien. On va écouter The Prince Karma dans la playlist Énergie. Il y a Jane juste derrière, elle est nommée pour l'Energy Music Awards. Ouais, vous votez là en ce moment, energy.fr. Et avant de les écouter, on sait le meilleur de Mickaël, 23h tout ça en direct sur Énergie. Et on a joué au jeu du partons pas fâché avec Polo et Rémi qui nous a rejoint dans l'émission sur Énergie. Écoutez, Rémi est avec nous maintenant à Maximieux dans 01, salut Rémi. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Rémi donc, le jeu du partons pas fâché. Qui est en train de regarder un... Ah, c'est mon téléphone. Comment ça se fait qu'il y a du son? C'est bizarre. J'étais prêt à défoncer. C'est-à-dire déjà, que le mec était déjà prêt à nous engueuler alors qu'en j'étais fait... déjà prêt à défoncer Toff. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ce son-là? Ah, et donc, c'est pas un porno, hein, t'imagines? Ah, t'imagines. Et donc, tu vas choisir quelqu'un que tu vas devoir affronter, Rémi, dans ouais, l'équipe, polo, bien évidemment. Ouais. Ah, tu prends Polo avant même vas-y, que je fasse le topo des fêtes et victoires? D'accord. Très bien. Okay. Alors, Rémi, donc, tu as choisi Polo. Tu vas donc, comme lui, appeler chacun à votre tour. Vous allez appeler des gens au hasard. On appelle au Canada pour que ça décroche normalement plus facilement à cette heure-ci avec le décalage horaire. Mm-hmm. Et donc, tu vas devoir avoir un dialogue de rupture, comme si tu étais en train de rompre avec ton copain ou ta copine. D'accord ? Attention également, c'est vrai que je le signale assez rarement, mais il faut bien avoir cette sensation de rupture dès le début. Commence pas à parler pendant 30 secondes de tout et n'importe quoi, et après tu commences à faire la rupture parce que sinon t'auras gagné 30 secondes gratos. Rémi, tu commences ou Polo démarre? Ouais, je commence. Très bien, allez, bonne chance. Mauvaise Rémi. Chance toi aussi. On y va, mais enfin. Je m'en fous. T'avais commenté avec les auditeurs? Je déteste l'émission, les gens qui l'écoutent. Voilà, démerdez-vous. Merde. Bon, allez, on y va, c'est parti Rémi, bonne chance. C'est des palpitations. Hein. Ouais, allô. Ouais, écoute, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai appris, enfin, voilà quoi. Je suis perdu dans ma tête. J'avais rencontré quelqu'un et je mets terme à notre relation, quoi. Donc, le prends pas mal. C'est comme ça. C'est les aléas de la vie. Puis c'est tout, quoi. Pam, ram, pam, pam, pam. Et ben voilà. Et bien voilà Rémi, c'est ce qui est une belle un beau score de 15 secondes. Mais je pense effectivement, on a eu un regard complice comme toujours avec Polo, que ça avait ouais. Ça avait coupé au bout de quelques secondes. J'ai entendu une espèce de ouais, moi aussi mais bon. Oui, 15 secondes. Non, bien avant ça, au bout de 2 secondes quoi. Deux, non, mais t'emballes pas, 2-3 secondes. Bah, c'est la vérité, maintenant, si t'as envie de faire perdre Polo qui a sacrifié sa vie pour toi, c'est toi qui vois. Oh là là là là. Tout de suite, l'exagération. Bon, enfin. C'est pas grave. Bon, et bien voilà, autour de Polo, c'est parti. Okay, Rémi, je te mets de côté. Mauvaise chance, Polo également. Ta gueule. Allô? Oui. Oui, ça va? Oui. Oui, je t'appelle de France. J'ai quitté le Canada depuis quelques semaines. En fait, c'est pour te. Tu sais très bien. Bon, voilà, je te quitte. Je ne veux plus de toi. Je ne t'aime plus. La vie est dure sans toi. Mais bon, je vais faire un avec. Hey, c'est quoi ton problème, Mona? J'ai pas de problème. Attention, nous n'avons pas de problème. Mais je t'as te dis. Tu es trompé de numéro. Hein? Non. Je sais trop. Oui, fais ton malin avec ton accent. Ah. T'as compris. On sait. Tu es du Québec. On comprend. Mais bon, la vie est ainsi faite. Je ne t'aime plus. Tu ne m'aimes plus. Nous ne nous aimons plus. Ainsi va la vie. Au revoir. Arrivederci. ta poutine dégueulasse, c'était ta bouffe dégueulasse, j'en peux plus, moi, le sirop d'érable et toutes ces conneries, c'est terminé. Ouais, c'est terminé, ouais. Ouais, tu peux faire le malin et dire des choses et puis dire à tout le monde que c'est de ma faute. Ça a coupé, là, hein. C'est terminé, c'est terminé. Ça avait déjà coupé depuis un moment, il y a encore un lag. Oh là là ! C'est la vérité ! Quelle lourdeur celle-là alors ! On est deux. Bon, Rémi, malheureusement, c'est une défaite, c'est un échec. Et voilà. Bon, bah, désolé, Rémi, hein. Ouais, je rappellerai demain. Bah écoute, quand tu veux, Rémi, y a pas de problème. Je sais pas qui va répondre, mais pas moi en tout cas. Salut Rémi. Comment dis-tu, Rémi? Il a fait 38, 39, je crois, j'ai plus compté après. Donc. Ah bah oui, on compte pas, ça n'a pas d'importance. Vas-y, vas-y, Rémi. Ouais, c'est un gros big up à mon frère Nico qui est routier. Ah bah ça m'étonne pas, vous êtes tous des routes. Oh là là, bah, écoute, c'est comme ça. Mais oui. Bon, ben bah, salut Rémi en tout cas. Merci d'avoir appelé, à bientôt, salut à toi. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. your city runs into my dreams. Darling, I look about the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be lundi 15 octobre sur Énergie. Bonjour tout le monde, bon réveil, j'espère que le week-end s'est bien passé, ouais, que vous êtes bien reposés, que vous avez bien fêté aussi, voilà, pour les concernés. Drake et Offenbach dans la playlist Énergie, ça arrive, et avant de le retrouver à 20h ce soir, voici le meilleur du Rico Show sur Énergie. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Amis, ça y est, une étude est tombée, les 7 principales raisons de pourquoi nous sommes fatigués. Ah. Et ça n'a souvent rien à voir avec ce qu'on prétend. Ah ouais, les amis, d'ailleurs, Grégory a fait le 0870 42 48 de Valenciennes. Il est venu s'amuser avec nous. Ça va, Greg? Ouais, salut l'équipe, salut Rico. Ça va, mon Greg? Salut. Alors toi, je sens que t'es en voiture. Tu bosses dans quoi, Greg? Je suis ambulancier. Ah, t'es ambulancier. Ben, on embrasse tous les ambulanciers, tous ceux qui bossent dans le médical, mon petit Greg. À ton avis, toi, pourquoi t'es fatigué au quotidien, Greg? Alors moi, c'est les gens, en fait. Ah. Alors, j'explique pourquoi. Vas-y. À longueur de journée, on est insulté de tous les noms de tous les noms d'oiseaux parce qu'on laisse nos fourgons au milieu des routes. Ouais. D'ailleurs, bâtard. Donc, je rigole, Greg. Il y en a qui gênent pas. Donc, chien. C'est vrai, ça, c'est très fatigant à longueur de journée de se faire humilier, on va dire. Débile. Non, je rigole, mon Greg. les gars, ils pourrissent Greg. Imagine. Greg, il a pas fini. Le mec en a marre des gens qui le pourrissent. Et nous, on le pourrit, on continue. Bon, Greg, non, mais c'est vrai que c'est chiant, mais c'est pas les gens. Encore une mauvaise raison. Alors, les amis, la première raison, ça démarre dès le matin. Quand vous prenez pas votre petit-déj, bam, ça tombe, ça te fatigue, tu pars en vrille, tu puises l'énergie, la bonne énergie du matin que t'as pas renouvelée, c'est mort. Déjà, tu prends pas de petit-déj, t'as 30% de chance d'être mort le soir. Wow. Deuxièmement, les amis, tu bois pas suffisamment d'eau. Ah, ça, bam, c'est des choses toutes simples. Hein. Un petit-déj, de l'eau, déjà t'es moins fatigué. Combien de personnes ne prennent pas de petit-déj? Sarah, t'en prends? Moi, j'en prends pas. Moi, j'en prends pas. C'est JM? Moi, j'en prends, mais au taf. Ouais. À 10h, pas avant de partir. Et tu démarres pas avec Sylvain. Non. L'eau de vie, ça compte ou pas? Ah, non. Non, ça, c'est ta mère. Regarde dans l'état où elle est. Ta mère, ça fait 15 ans qu'elle fait ça. Greg, je peux te dire, sa mère, ça fait 15 ans qu'elle fait ça, on peut plus la voir. Il y a aussi un truc, boire trop de café. T'es fatigué, qu'est-ce que tu fais, Greg? Quand t'es fatigué, tu bois des cafés. Bah oui. Tu les accumules. Ouais, c'est ça. Eh ben, on accumule la caféine et puis au final c'est pas forcément bon. Voilà, trop de café c'est mort. Quand t'es fatigué, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas bouffer. D'accord? Donc tu fais pizza, kebab, tu commandes, tu manges des merdes. Ouais. Eh ben ça, la junk food, bam, ça tombe, ça te fatigue encore plus. Donc déjà, à mon avis, il y a que des... Ne pas se déconnecter du bureau, ça je sais qu'il n'y a pas de problème pour vous. Je sais, vous arrivez tous à débrancher, je ne m'inquiète pas, les amis. Il y a aussi zapper la séance de sport. Quand vous êtes sportif, t'es fatigué, mon Sylvain? Oui, bah tu oui. Tu dis bon, ce soir je suis mort, je vais pas au sport. Bah, tu sais quoi, bim, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Bien sûr. Parce que fatigue et ne pas faire sa séance de sport, ça te tue encore plus, Sylvain. Mais il manque un élément là-dedans, non? Quoi? Faire trop de câlins, ça fatigue aussi ou pas? Non, ça. Mesdames, vous pouvez y aller. Hein. Ouais. Sarah. T'as tout gâché là. Il écoute. Quand je prétextais que j'étais fatiguée, le sport en chambre, c'est pas mon truc. Oui. Et là, t'as dit faire du sport, c'est bien. Au contraire, mesdames. Le gars qui force. Et enfin, l'erreur fatale, c'est boire de l'alcool avant de dormir. Vous buvez un petit verre, vous buvez un verre de vin en mangeant le soir, etc. Le verre d'alcool, c'est terrible. Vous sortez boire un verre avant de rentrer, etc. C'est ce qu'il y a de pire

Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde. Bon réveil, on va écouter Kenji dans la playlist Énergie. Kenji, il y a la tournée qui arrive avec Énergie partout en France. Les infos, les résas, énergie.fr. Kenji, et avant de le retrouver à 17h sur Énergie, voici le meilleur de Koé. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Il est temps de revenir sur une info du jour qui est très importante. Celle-là, elle est... Oula. La scène se passe à Verne-sur-Sèche. Oh. Luc est boulanger. Luc est en train de faire son pain. Il est à côté de Rennes quand, à ce moment-là, un homme rentre dans la boulangerie muni d'une machette. Il voulait lui voler sa caisse. Subitement, Luc, en moins de deux, prend la pelle à pain, bam, dans la gueule, avec ce bruit très caractéristique, et met en fuite son agresseur. Non. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir. Il est en ligne avec nous. Le Chuck Norris du croissant, le Vandame de la chocolatine, Luc de la boulangerie. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo. Oh, Luc. Oui. Luc, on a reçu un coup de fil d'Hollywood. Jackie Chan te prend, Luc. Je suis prêt. Comment ça va, monsieur le boulanger? Ça va. Alors, bravo, parce que quand même. Bon, avant tout, je vais vous dire que je suis là au téléphone avec vous grâce à mes vendeuses qui mettent le pain à mon four. Pourquoi? Bah parce que sinon je suis au four là. Bah oui, c'est vrai. Bah oui, on va pas être au fourré à la radio, comme dit l'expression, évidemment. Bien sûr. Luc, avant que les filles travaillent complètement et que tu les rejoignes, comment ça se passe? T'es dans la boulangerie, tu fais le pain et tu vois le gars qui arrive avec la machette. Alors non, en fait, j'ai ouvert un petit peu plus tôt, j'ai servi deux clients et je suis retourné sortir mes viennoises du four et lui est arrivé, cagoulé. Il m'a demandé, est-ce qu'il y a du liquide ici? Alors, sur le coup, je pensais à une blague. J'ai dit, oui, du liquide, il y en a là, dans la vitrine à boissons. Ah oui, évidemment. Il a sorti sa machette et il a tapé sur le comptoir. Aïe. Et il m'a demandé du liquide, l'espèce. Il a voulu prendre dans la caisse qui était à côté de lui. Et là, j'ai mis un coup de pelle. Et après, il a voulu lancer sa machette sur moi. Je lui ai dit, attention, t'as du monde derrière. Il s'est retourné, j'ai mis deux coups de pelle. Oh, la technique! Oh, mais lui, mais moi, voilà. Mais ça, ils ont jamais osé le faire chez Jackie Chan, mais ça marche toujours. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Qui? Ah, t'es lassé son effet. Fantastique. Donc deux coups de pelle. Bah trois en tout. Oh, oui. Puis vu la non, ça va, on a compris. Vu la taille d'une pelle, je pense que ce. Oui. Pas sûr que ce monsieur revienne. Bravo Luc. Ça aurait pu être dangereux. Ça aurait pu être dangereux, mais ça se termine bien. Gros bisous. Voilà, merci. À bientôt. Il faudra qu'on vienne chez vous quand on va faire un tour à Rennes pour le One Man. On ira manger chez Luc. Bah, ma femme sera heureuse. D'accord, je viendrai avec une cagoule, une machette, j'irai. C'est encore moi. Non, je déconne, c'est comme ça. À bientôt, bisous Luc. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. Enfant des villes, ou enfant des fois, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot. C'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois pour se vider la tête. Tout oublié, tu vois. On ira faire la fête. On ira faire les rois. Pour se vider la tête. Pour oublier. Pour oublier. Pour oublier. Pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, pour oublier. Y'a plus ni futur ni passé. Y'a plus ni futur ni passé.

sur Énergie. Plus de pub avant le retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie. Ce sera dès 6h. D'ici là, petit point météo. Énergie. Ouais. Météo. Avec aujourd'hui un temps maussade, des averses à peu près partout pour ce lundi matin. Oui, en même temps, c'est lundi. Voilà. 11 à 18 degrés pour les températures ce matin. Cet après-midi, des éclaircies un petit peu à l'ouest, en Bretagne et Normandie, entre autres. Du soleil en Alsace, en Lorraine et partout ailleurs. C'est toujours gris et pluvieux. Les températures max, 14 à Lille, Caen, Brest et Rennes. Il y aura 18 à Paris, Bordeaux et Toulouse. 21 degrés à Strasbourg, Dijon, Lyon, Montpellier, Marseille et Nice. Un bon réveil avec nous sur Énergie. Manu dans 6-9 sur Énergie en direct à 6h. Elle a ses aides dans la playlist Énergie. You're a world away, somewhere in the crowd, in a foreign place. Are you happy now? There's nothing left to say, so I shut my mouth. So won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run, leave me just as empty as the day you came. Feel just like a rock star. All my brothers.

Pas mal. Ah, ah le gars est là. Le gars est là. On ferme les yeux. Allez, je cache ma scie. Ouais, merci. Paulette. Un crapaud. Ah. Vas-y. Pas mal. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, ouais. Je mets deux bras. Philippe, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Salut. Tu dois imiter quelqu'un ou quelque chose à la perfection, sinon je te scie un bras. Alors ce sera plutôt le bras gauche, mais du coup, à ce qui paraît, je fais bien Stéphane Bern. Stéphane Bern, vas-y. Hein? Bonjour à tous, c'est Stéphane Bern. Bienvenue dans ce nouvel épisode des ouin-ouin du matin. T'es dur, je trouve. Oh non. Philippe. Tu n'as plus de bras. Merci de nous avoir appelé, Philippe. Attention, je sais imiter quelqu'un ou quelque chose à la perfection. Si ça rate, je vous scie le bras. Glandu. Ah, la pression. Moi, c'est le bruit des clignotants de voiture. Waouh. Oula. Ouais. C'est nul, mais c'est nul. Qu'est-ce qu'il y a? C'est hyper original. Ah, ça, c'est original. Ouais. Attention, on écoute Glandu qui imite le bruit des clignotants de voiture. Glandu. Ouais. Regarde, sur le même rythme. Ouais. Non. Mais non. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. All I need is on a peur, on voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah, ah, ah. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête, mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Pense plus à rien, rien, rien, rien. Ça y est, que non. Ça y est, que non. Ça y est, que non. M'a dit, t'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes, allez sors de ma vie. De façon je le pensais pas, quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Sur NRJ, je les suis sur Instagram. J'ai l'impression que tout Instagram c'est Big Flo et Oli. Ah ouais, ah ouais. Mais vous ne suivez pas Big Flo et Oli? Non. Du nom. Ah si, je crois que oui. Ah bon, bah, t'as pas... ils sont tout le temps sur Instagram, tout le temps. Ils postent pas mal. Ah ouais, mais ça n'arrête beaucoup, pas. Oui, je vrai. Me demande comment ils peuvent faire autre chose. Ouais. J'ai l'impression que leur premier métier c'est Instagram. Bah, après ils sont deux quoi, donc c'est multiplié par c'est deux. Ça. Hein. Bah, oui. Quand là, toi tu prends une photo de tes plats, bah eux ils prennent chacun une photo de leur plat. Ah ouais. C'est peut-être... Ouais, en fait t'as raison, c'est facile. Ils sont nuls. Oh, super. 5h55, soyez les bienvenus sur NRJ. On démarre cette journée ensemble, on démarre cette semaine ensemble. Oui. C'est une nouvelle semaine qui s'offre à nous, on va en profiter. On démarre dans 5 minutes, mais comme chaque jour. C'est pas un mais, c'est et. Comme chaque jour. Bah oui. Et surtout comme chaque jour. Et youpi comme chaque jour. Oui, oui. Oui, j'ai dit youpi. Oui, j'ai dit youpi. On s'écoute un titre pour nous lancer la journée. Et ça, c'est vraiment un titre qui va nous lancer la journée. Ouais. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Eh oui, il y a des fois, parfois. Ah ouais. Il faut le savoir, les enfants. Parfois, papa a des failles. Ce n'est pas moi qui l'ai découvert. T'as un assistant du 555? Je n'ai pas un assistant. J'ai tout simplement quelqu'un ouais. qui m'a envoyé un petit message l'autre jour en me disant « Manu, pour le 555, ça devrait être pas mal. » Ok. Ah. Et cette personne, vous allez tous être étonnés, ouais. c'est Glandu. Non. Comme quoi, j'ai les bonnes idées parfois. Ça arrive. On verra après. Ah, si, il est bien ce titre. Il m'a envoyé un titre, il m'a dit cool. « ça c'est cool, c'est happy. » J'écoute, je fais « Ah ouais, ça c'est un bon titre pour démarrer la semaine, ah ouais, pour démarrer lance. Le lundi. Ouais. » Le groupe s'appelle Mozambo, c'est les DJ, hein. Ouais. Je sais pas ce que c'est exactement. Ici, c'est les DJ français. Ah voilà. Ah, c'est-à-dire que Glandu, il trouve un titre, mais il va pas faire non. l'effort de chercher non. après. Alors, tu sais quoi, ce week-end, il y a Offenbach qui est en concert à l'Olympia, bah, c'est leur première partie. Ah, voilà. Ils font beaucoup. Moi, je l'ai entendu dans un magasin et je l'ai chasamé. Ah bah, j'ai trouvé bien, je savais pas que c'était des DJ. Il y a deux écoles. Ah ouais. Ouais. Le titre s'appelle Paper Cut, c'est vraiment un titre qui va vous faire la journée, croyez-moi. Si vous savez pas ce que c'est, eh ben découvrez-le, prenez-le. Cool. Et lorsque vous l'avez écouté et que vous l'adorerez, vous direz waouh, ça, c'est Manu qui me l'a fait découvrir dans le 555. Mais si vous l'aimez pas, n'oubliez pas, c'est Glandu qui l'a. C'est dégueulasse. Mais vous allez l'aimer, vous allez l'adorer. Croyez-moi, ça, ça va vous rendre votre journée happy quoi qu'il arrive. Bon réveil. You laugh at me, I won't bite. Pointing fingers won't make me cry.